Bienvenue en 2030 glorieuse. Je m'appelle Julien Vidal et toutes les deux semaines, j'invite dans ce podcast une personne engagée avec laquelle nous allons discuter des nouvelles croissances qui nous attendent dans la société durable, solidaire et joyeuse de demain. L'utopiste en moi en est persuadé. Non seulement demain n'est pas foutu, mais le futur peut même se révéler être bien plus enthousiasmant que ce que nous connaissons actuellement. Et pour dire au revoir à l'état de crise permanent, il est temps de se mettre à la hauteur des enjeux de notre siècle et ça commence par faire de nos rêves des stratégies. Bon voyage. Bon voyage. Bonjour Charlotte Jam. Bonjour Julien. Bienvenue dans le podcast 2030 glorieuse dans lequel je rencontre celles et ceux qui sont les signaux faibles des mondes de demain. Pour cette nouvelle saison, le podcast il est encore et toujours soutenu par la NEF, banque éthique et coopérative. Grâce à l'épargne qu'elle collecte, la NEF, elle finance exclusivement des projets écologiques, sociaux et culturels. C'est la banque des 2030 glorieuses. Cette banque, elle est coopérative parce qu'elle appartient à ses sociétaires, elle est éthique parce qu'elle met en avant le circuit court de l'argent et elle est transparente parce qu'elle est la seule banque française à publier l'intégralité de ses financements. Et c'est cette banque qui me permet d'interviewer des personnes aussi extraordinaires qu'aujourd'hui, Charlotte, qui participe activement aux 2030 Glorieuses. Je suis fier d'être soutenu par la NEF. Soyez aussi fiers de votre banque et ouvrez un livret à la NEF. Voilà, ça c'est dit. Aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, moi je donne la parole à Charlotte Jam. Elle est cofondatrice de Bivouac, qui propose des aventures backpacking itinérantes au week-end ou à la semaine en semi-autonomie. Et pour tous les niveaux, ensemble, on va parler d'aventure, d'amis, de slow life. Je suis trop content de te donner la parole, Charlotte. On va sans doute lever le voile sur les liens qui nous unissent et qui font qu'on se parle aujourd'hui. Et à la fois, je m'adresse à ta casquette d'aventurière, de bivouaqueuse, je ne sais pas comment tu te nommes. Et c'est d'ailleurs ma première question. Tu dois te présenter à quelqu'un qui ne te connaît pas. Arrive la question fatidique. Et toi, tu fais quoi dans la vie? Qu'est-ce que tu réponds en 2025, septembre, date à laquelle sera publié cet épisode? C'est toujours la question, moi, que j'évite de poser aux gens maintenant parce que je la trouve pas très intéressante posée comme ça. Mais j'ai première question que je te pose, tu me dis pas déjà très intéressante. Que je pose des questions pas très intéressantes. Non, mais du coup, j'avais envie de citer un ami qui m'est très cher qui, lui, a un peu twisté la question pour dire quelle est ta passion du moment. Et moi, j'aime bien cette question, j'aime bien la poser aux gens généralement. Et du coup, si je dois répondre pour moi, ma passion du moment depuis maintenant quelques années, c'est le vélo. Et donc je fais du vélo parce que j'aime ça, parce que j'aime pédaler et parce que j'aime découvrir des paysages à la force de mes jambes, on va dire. Et j'essaie de rassembler des gens sur des vélos, de mettre des gens au vélo, donc à la fois en les inspirant par des récits autour du vélo et du voyage à vélo, et aussi en les rassemblant dans des événements, donc via Bivouac, que j'ai créé avec Caroline il y a quasiment 2 ans maintenant. Moi, je croyais qu'il n'y avait que les personnalités politiques qui se posaient leurs propres questions quand les questions de l'intervieweur ne les intéressaient pas, tu vois. Mais bon, apparemment, tu arrives bien à faire ça aussi. avec les 2030 Glorieuses, tiens, d'ailleurs, je n'ai jamais posé cette question pendant le podcast, mais je te la pose. On préfère aussi la question, c'est quoi le meilleur moment de tes dernières 24 heures? Est-ce que tu as une réponse que tu veux nous partager? Ah, carrément, parce que ça tombe bien, vu que je reviens d'un événement bivouac qui se déroulait donc ce week-end. Qui se déroulait dans le Diwa, qui est le sud du Vercors. Donc vraiment, c'est la Drôme, c'est la Provence, mais c'est aussi la montagne un petit peu. Donc c'est des paysages exceptionnels. Si vous ne connaissez pas, il faut absolument y aller. Donc c'était 3 jours avec un petit groupe d'une trentaine de personnes. On roule la journée, on se retrouve le soir. Donc hier, c'était le dernier jour. On a dû se quitter après s'être fait des super amis parce que ça crée des liens très forts, le vélo aussi. Il y avait vraiment cette ambiance colonie de vacances pour adultes. On se baigne une dernière fois dans la Drôme, il fait beau, les cigales chantent et là, il faut rentrer quoi, et on a envie de pleurer et de jamais se quitter. Elle est trop bien ta réponse, merci. Moi, tu parles du Vercors. Je suis né juste à côté, à Grenoble, et j'ai longtemps habité aux portes de la Chartreuse, à Voiron. Et pour moi, le bivouac, c'est quand on part en randonnée avec un sac à dos. Je ne savais pas qu'on pouvait associer le bivouac au vélo. Enfin, je ne le savais pas jusqu'à il y a quelques années en arrière maintenant. Est-ce que tu peux peut-être raconter comment les deux mots s'associent et comment, en fait, le fait de s'appeler bivouac, d'ailleurs, je ne sais pas si c'est une organisation, un collectif, une entreprise. J'ai cherché un peu les infos, c'était une question que j'avais pour toi, donc je la glisse dans ma grande question. Comment on associe vélo et bivouac ? Bah, je vais peut-être parler un peu de mon expérience du coup, de comment moi j'ai découvert le bivouac et le vélo. Tu sais, voilà. Je te regarde répondre à tes questions. Je te donne juste le timing quand on est à 45 minutes. Mais n'hésite pas à m'arrêter si tu sens que ça dévie. Ma première expérience de voyage à vélo, c'était il y a quelques années maintenant, dans les Balkans. J'avais jamais vraiment fait de vélo. Enfin, j'en ai fait quand j'étais enfant et avec mes parents, un petit peu comme tout le monde. J'en faisais même pas vraiment pour aller au travail. Tu vois, c'était vraiment. On partait, on était deux, on voulait faire un truc un petit peu différent. On s'est dit, bon, bah là, on va pas prendre de sac à dos cette fois, on va prendre un vélo. Donc, c'était vraiment un moyen comme un autre de voyager. Bref, on se retrouve dans les Balkans, on a tout ce qu'il faut pour être autonome, donc finalement, comme en rando. Et on se retrouve à devoir chercher un petit peu des spots pour dormir quand il n'y a pas d'hôtel, pas d'auberge, pas de camping, parce qu'on se retrouve dans des zones un petit peu reculées. Et c'est comme ça, moi, que j'ai découvert le bivouac, d'arriver à la fin de la journée après avoir grimpé des cols, t'as mal aux jambes, mais tu te sens incroyablement bien parce que tu l'as fait, et tu l'as fait sur ton vélo, et potentiellement t'as parcouru un nombre de kilomètres qui semble quand même assez impressionnant pour quelqu'un qui ne fait pas beaucoup de vélo jusqu'à présent. Et là, tu poses ta tente au milieu d'un paysage grandiose. Et pour moi, ça, c'est vraiment la liberté. C'est à ce moment-là que j'ai vraiment ressenti ce truc de liberté profonde, en fait, et de connexion à la nature, qui décuple pour moi la sensation de liberté. Parce que t'as vraiment l'impression de reconnecter à une forme de nature sauvage. Donc, c'est comme ça que j'ai découvert que c'était génial de faire du vélo et aussi d'être en autonomie totale et de, comme en rando, finalement, pouvoir s'arrêter quand on veut. C'est aussi pour moi vraiment la définition du voyage lent, en fait. C'est que je suis autonome sur mon vélo avec ma machine. Je sais réparer à la marge ce qui a besoin d'être réparé s'il y a un gros problème. J'ai de quoi manger et donc en fait, je peux faire ce que je veux. Je peux m'arrêter, je peux décider de passer du temps dans un lieu qui me plaît ou pas, ou continuer. C'est ça la beauté, je trouve, du voyage à vélo. Et donc, tu découvres cette beauté et est née cette organisation, entreprise, collectif, association. Et donc voilà, donc, Bivouac, c'est une entreprise. Donc, ce qui s'est passé, c'est que je rencontre Caroline dans mon ancienne entreprise. On travaillait sur des enjeux environnementaux, donc on était déjà sur des problématiques d'écologie, donc la mobilité en faisant intégralement partie, et la façon de voyager aussi. Caroline faisait aussi beaucoup de vélo, plutôt une pratique sportive, donc elle fait beaucoup de compétitions, d'ultracyclisme notamment, qui sont des... C'est dans le mot, hein, je crois, on a compris, voilà, l'ultracyclisme. Ouais, ça a l'air d'être beaucoup. C'est beaucoup. Et donc on commence à réfléchir à ce projet. On a envie de proposer aux gens des voyages à vélo, et donc on se lance en décembre 2023. On crée une entreprise pour diverses raisons, mais parce qu'on avait envie de pouvoir le développer et de pouvoir proposer un maximum d'aventures en France et potentiellement tourner vers l'Europe aussi, parce qu'on a un enjeu vraiment à montrer que c'est possible de voyager à la fois proche de chez soi, mais aussi potentiellement de traverser des frontières. Ce qui a été quelque chose de très fort pour moi quand j'ai voyagé pour la première fois à vélo. Traverser une frontière terrestre à vélo, c'est incroyable, quoi. Tu traverses un poste de douane potentiellement et t'es sur ton vélo. Et ouais, c'est vraiment, encore une fois, cette sensation de liberté qui est assez folle, quoi. T'as peut-être commencé un peu à répondre à cette question, mais je te la pose directement. Moi, avec les 2030 Glorieuses, maintenant, vu que je suis habitué à y habiter presque, j'ai même plus envie de dire voyager, j'y habite quasiment 2030 Glorieuses, je me rends compte à quel point c'est notre présent qui est décroissant. Alors qu'on dit que les écolos sont décroissants avec leurs cheveux longs et leurs vélos, qu'ils ont en gros rien compris à la vie. Toi, tu t'attaques à quelle décroissance de notre présent, ou dit autrement, à quelle croissance des 2030 glorieuses tu as envie de contribuer? J'ai entendu quelques mots, peut-être que je peux te les redonner. Tu m'as dit celui d'indépendance, celui de connexion au vivant, celui de liberté. Est-ce qu'il y a autre chose? Est-ce que c'est un peu tout combiné? Ouais, bah, je pense que c'est vraiment, enfin, si je devais mettre un terme, c'est vraiment le voyage bas carbone. Enfin, même si j'aime pas trop ce côté carbone qui semble un peu métrique, mais vraiment faire du voyage autrement, faire du voyage plus proche. Voyage musculaire, voyage, je Ouais, sais pas comment on pourrait le le dire, qui slow ce soit, travel, ouais, voilà. comme on dit, enfin le voyage lent, quoi, finalement. Même si lent à vélo, on peut aussi aller vite. Donc c'est plus dans l'idée que on va pas partir d'un point A et faire un espèce de saut vers un point B sans vraiment voir ce qu'il y a au milieu. Pour moi, le voyage à vélo, ça permet ça aussi, ça permet de vivre le territoire. Parfois, c'est pas toujours génial. Parfois, on voit des choses moins sympas. Et puis ensuite, on arrive dans des endroits magnifiques et on est très content de l'avoir fait. Alors qu'en voiture, on va pas ressentir ce paysage qui change. Surtout que c'est des routes propres. On n'a pas toute la joie de voir la longue zone industrielle et artisanale avant de rentrer dans la Alors que ville. On n'a ça, pas tout. Et ça, quand c'est même, génial. c'est grands pas publicitaires, les Jiffy à perte de vue. Bref, pardon. Mais oui, donc c'est un peu cette idée de voyager avec le corps, quoi, de le ressentir dans sa chair. Exactement, la mise en mouvement, ça c'est un truc qui me parle énormément. Enfin, le vélo pour moi de base, c'était pas du sport, c'était vraiment, comme je te disais avant, un moyen de se déplacer, un moyen de se mettre en mouvement. Et moi je pense que par la mise en mouvement, par le fait de ressentir dans le corps, on accède à, déjà on débloque des souvenirs qui sont beaucoup plus puissants parce qu'on les a vécus par l'intégralité de notre corps, pas que par les yeux ou par le cerveau. Et ça permet aussi une connexion avec les éléments et avec les personnes avec qui on partage ces moments-là qui est très importante. Parlons de ça justement parce que il y a de temps en temps un peu de la communication autour des 1000 vertus du vélo. Tu le dis, c'est pas forcément un sport, c'est vécu comme un moyen de déplacement, donc un moyen d'autonomie, un moyen de faire des économies. C'est aussi un moyen d'être en bonne santé, un moyen de, notamment toi qui habites à Paris, de se rendre compte à quel point Paris est une carte postale permanente, et donc de, en sortant de terre, te rendre compte de tout ce qu'il y a entre les arrêts de métro. C'est un moyen d'entendre des sons que tu n'entends pas en voiture, c'est un moyen de plein de choses. Avec bivouac, c'est aussi un moyen de se faire des amis. Est-ce que tu peux me raconter un peu ce côté social que vous avez réussi à ajouter au vélo, même si c'était en fait assez évident, parce qu'il y a des clubs de vélo, il y a des groupes de gens qui vont rouler les soirs. C'est un truc qui se fait assez rarement tout seul, en fait, le vélo. Et bah, ça se fait assez rarement tout seul. Et pour autant, moi, quand j'ai commencé à faire du vélo, mes copains, ils faisaient pas forcément de vélo. Donc si j'avais envie de me lancer dans des aventures à vélo, Il fallait te trouver un voilà, groupe, il quoi. fallait me trouver un groupe. Ouais. Donc pour moi, c'est beaucoup passé par des communautés locales qui sont effectivement très actives dans les grandes villes, mais ça reste assez citadin aussi. Et beaucoup de gens, en fait, leur premier frein dans le voyage à vélo, au-delà de l'aspect matériel, etc., mais où là, il y a des solutions quand même assez concrètes, c'est vraiment, je ne sais pas avec qui partir. Donc nous, c'était un des leviers sur lesquels on voulait agir en créant Bivouac, c'était de créer une communauté joyeuse qui avait envie de voyager autrement et qui n'avait pas forcément envie d'être non plus dans la performance, dans l'ultra-performance sportive. Parce que pareil, des communautés, des clubs cyclistes, il y en a un petit peu partout. C'est quand même un sport qui est très développé en France. On a une culture vélo qui est en plus assez ancienne, quoi. Donc on voulait un petit peu se situer entre les deux et parler à des gens qui avaient juste envie de passer un bon week-end, de rencontrer des copains, de rigoler. Vraiment la colonie de vacances pour adultes, quoi. Une colonie de vacances, plus, mais aussi réfléchie, bienveillante, accueillante. Moi, quand je vais rouler avec mon père, il y a deux femmes sur un groupe de 10 maximum. Vous avez forcément vu que cette pratique de ce sport en particulier, elle n'était pas forcément hyper accueillante. Donc, vous avez mis en place plein de leviers pour freiner un peu toutes ces discriminations qui se mettent en place avec le vélo. Ouais, tout à fait. Ça, c'était un sujet qui était central aussi. Donc vraiment, enfin, les deux sujets, c'était écologie et féminisme pour nous dans le projet avec Caroline. Caroline qui a fait beaucoup de compétitions, elle, très vite, enfin, elle se retrouvait seule ou alors elles étaient les 3%. Tu Voilà. m'étonnes, ouais. De façon générale, dans l'aventure, en fait, c'est quand même des récits très masculins. On a une représentation de l'aventurier qui part voyager, il y a beaucoup de questions autour de la femme seule qui voyage. Donc on voulait aussi adresser ces sujets-là. Pour nous, c'était important. C'est important, en fait, pour nous de créer des figures d'exemple de femmes qui le font et qui trouvent ça cool et qui ne se posent pas la question de « je suis une femme, donc je ne suis pas capable ». Donc via, parce qu'au-delà de nos événements, on essaie de développer un média, donc via les réseaux sociaux, une newsletter, on a un podcast aussi. Le podcast, Bibitopie, bien sûr. Et là, on tend le micro vraiment uniquement à des femmes qui roulent, qui font un petit peu, qui sont des aventurières d'aujourd'hui et de demain, en fait, et qui montrent aussi que c'est possible de le faire. Et moi, je sais que ça, dans mon parcours de voyageuse à vélo, ça a été hyper important, en fait, d'écouter des femmes en parler, de voir que c'était possible. Qu'est-ce que vous mettez en place concrètement, alors, dis-moi? Concrètement, en fait, on montre beaucoup de femmes. Tu vois, on a une communication qui est très orientée autour... on voit des visages de femmes, on voit des femmes rouler en groupe, on a organisé... J'ai reçu votre première newsletter, vous avez, je crois, que des visages féminins. On essaye, et sur notre fil Instagram, on a quasiment que des femmes. Et c'est intéressant parce qu'en faisant ça, on a à peu près 50%. On est quasiment à la parité. Mais tu vois, en fait, c'est marrant de voir à quel point, même en ne montrant que des femmes, tu réussis qu'à atteindre la parité, entre guillemets. On n'a pas renversé l'équilibre non plus. Et sinon, on a organisé et on organise toujours des événements en non-mixité, qui est un outil qui, je trouve, est assez puissant. Moi, j'ai roulé quelques fois avec des collectifs en non-mixité et c'est quand même assez sympa de se retrouver entre femmes. T'as pas du tout les mêmes conversations, c'est pas du tout la même ambiance. Il y a vraiment une bienveillance. Enfin, tu sais que tu peux poser n'importe quelle question. Il y a pas d'arrière-pensée, quoi. Il n'y a pas le gros lourd qui vient te dire « Mais attends, je crois que ton derrière, ouais, il fait du bruit. Est-ce que tu n'as pas accès à le régler ? Tu devrais remonter un peu ta selle. » Je vais te montrer comment faire. Tu te vois trop en avant sur le moins, c'est ça ? Ouais. Voilà. On part souvent du principe que les femmes ont besoin d'aide, alors que généralement, non. Mais voilà. Donc, et puis, ça discute aussi de sujets qui sont... Enfin, tu vois, quelle selle pour une femme, cuissard ou pas cuissard, qui sont des sujets qui vont être beaucoup plus abordés quand tu es dans des communautés de femmes que... Avec des marques qui sont en train de se développer en plus, à ce niveau-là, c'est chouette. Ouais. Tout à fait. Donc ouais, c'est un sujet assez, assez central. Ce qu'on a fait aussi, c'est qu'on s'entoure d'influenceurs et d'influenceuses pour essaimer notre projet, qui sont majoritairement des femmes. Donc on a créé un petit collectif en fait, de femmes qui sont nos relais un petit peu partout en France et qui ont un discours chacune un peu différent sur l'aventure à vélo. Elles ont des pratiques différentes. Elles viennent de lieux différents et du coup, elles portent aussi cette vision du voyage à vélo au féminin. Donc cet axe social, il est clairement affiché, tu viens de le réévoquer, c'est chouette. Il y a l'axe écologique, tu l'as dit tout de suite, c'est bas carbone, le vélo. Et à la fois, on en reparlera d'ailleurs, j'ai envie de t'entendre à ce sujet en 2030 Glorieuse, d'imaginer transporter de plus en plus de personnes dans des lieux qui sont normalement assez peu accessibles. Ça pose aussi question et j'imagine que vous vous accompagnez aussi avec des bonnes pratiques qui permettent d'avoir l'empreinte la plus légère possible. Vous arrivez aussi, je trouve, hyper bien à montrer à quel point écologique, ça ne veut pas dire chiant. On essaye, j'ai l'impression, et le « on » est un peu fumeux, pardon pour ça, mais... Quand même, souvent, quand on prend la parole, des personnalités économiques et politiques, je vais même les qualifier, prennent la parole et en général essayent d'adresser la question écologique. Elles le font de manière rasoire, plombante, anxiogène, ou en disant que les personnes qui le font sont plombantes, rasoires, anxiogènes, qu'elles sont anti-tout, Tour de France et Sapin de Noël. Et donc, on a l'impression que l'écolo, il est seul. Sous sa douche qu'il n'allume pas, assis sur son carrelage froid qu'il ne chauffe pas, en train de chanter All by Myself. C'est pas du tout ce que vous faites, vous. Pourtant, j'ai l'impression que vous êtes ultra écolo. Comment vous avez réussi à y mettre de la couleur, du fun, de la joie? C'est vraiment, je fais le lien avec ce que je disais sur les nouveaux récits. Tu vois, nous, on voulait vraiment travailler sur les récits parce qu'on est des sociétés qui sont traversées par des récits. Et donc aujourd'hui, le récit écologiste, il va plutôt vers de l'écologie punitive, malheureusement, où les empêcheurs de tourner en rond, on va revenir à la chandelle, enfin ce genre de discours en fait. Nous, on essaie juste de proposer une autre voie qui est joyeuse et qui donne envie. Moi, je pense que c'est la clé. Donc, montrer que ça marche. Qui est même carrément Instagrammable. Partir en Thaïlande, je ne sais plus quel endroit, où on voit des photos qui supposément donnent envie à tout le monde de mettre leur popotin dans un avion. Moi, je vois votre Instagram, j'ai trop envie de partir en vélo le lendemain, quoi. Et surtout, tu vois, en France, quand tu regardes les chiffres du tourisme, en fait, alors le surtourisme est un problème, mais on voit que 80% du territoire est délaissé par les touristes. les touristes se concentrent sur 20% de la surface de la France, quoi. Alors oui, tu vas dans les gorges de l'Ardèche un 15 août, c'est l'enfer. Tu vois même plus les gorges sous les canoës bariolés. Mais à deux pas de là, tu as des petites routes cachées magnifiques où il n'y a personne. Alors effectivement, tu le disais, il y a un enjeu de si tout le monde se met à aller en nature, comment est-ce qu'on gère ? Mais pour moi, c'est aussi un enjeu de réflexion commune, en fait, enfin, de comment on fait société et comment est-ce qu'on se partage la nature aussi. Et on voit fleurir des quotas, notamment dans les parcs nationaux, les trucs comme ça. Moi, je sais pas. Enfin, moi, ça me rend triste, en fait, quand j'entends ça. Parce que pour autant, il y a pas longtemps, je suis allée dans les Alpes donc pour faire une reconnaissance d'un itinéraire de notre prochain événement qui traversera les Alpes de Lyon à l'Italie. Teasing de ouf. Et on est passé par le col du Galibier, qui est un des plus grands, enfin, un col mythique, voilà. Col du Galibier, en soi, t'as rien à y faire en voiture. Hein. C'est vraiment juste du pur tourisme pour aller voir comment c'est en haut. Et moi, ce qui me rend triste, c'est de voir qu'on va mettre des quotas dans le parc national des Écrins, par exemple, mais qu'à côté, des routes qui vont traverser des grands cols, donc qui ont nécessité la mise en place d'infrastructures énormes, qui sont une pollution incroyable, notamment les mois d'été, parce qu'il y a un flot constant de voitures. Bah ça, par contre, on ne le questionne pas. Donc en fait, pour moi, c'est pas tant le nombre de personnes qui vont avoir envie d'aller faire du bivouac en montagne ou de prendre leur vélo et de voyager à vélo, c'est plus une remise en question de façon globale de comment on fait société. On en parlera tout à l'heure, mais t'as déjà commencé à me donner une réponse et c'est chouette, merci pour ça. Dernière question avant de partir en 2030 glorieuse, toujours sur cette... aspect écolo, vous profitez en plus d'un avantage qui a été bien rogné mais qui reste un avantage en France, celui qu'on peut quasiment aller de partout en train. Et donc vos événements, ils nécessitent entre guillemets juste de mettre un vélo dans un train et c'est tout. Tout à fait, et nos événements sont accessibles en train, au départ comme à l'arrivée. Donc ce qu'on aime bien dire, c'est qu'on pense le voyage de façon globale. L'aventure, elle commence quand tu sors de chez toi, après avoir galéré à mettre toutes tes affaires sur ton vélo. Ouais. Et que tout d'un coup, tu te retrouves devant le TGV, tu te dis « Mais attends, il faut que je démonte quoi ?» Comment ça marche ? Donc oui, effectivement, on a un super réseau TER en France qui est très pratique pour mettre un vélo. C'est aussi un sujet parce que la SNCF ne va pas vraiment dans la direction de mettre plus de places vélo dans les trains. On est plutôt sur mettre plus de stationnement en gare pour faciliter le déplacement des domiciles-travail, en fait, plutôt que le voyage. Donc, bon, ça, c'est un petit sujet... Petit appel aux personnes qui travaillent à la SNCF, voilà, qui nous écoutent. Voilà, si vous nous écoutez... S'il vous plaît. J'ai voyagé en Autriche, et là, t'as des camions... Enfin, des camions, des... Vraiment, t'as une partie du train qui est vide et qui Ma belle famille m'a dit que le long de la Loire, les TER avaient fait un gros effort parce qu'ils savent qu'il y a énormément de vélos, quoi. Ouais. Ouais, non, le train, c'est toujours un sujet. À la fois, c'est très pratique et ça participe du voyage plus responsable. Et à la fois, aujourd'hui, mettre son vélo dans le train, c'est pas encore hyper facile. En France, c'est pas encore hyper facile. En Europe, ça dépend où. Mais en tout cas, c'est possible. Et quand on a la technique, donc on essaie de faire un petit peu de pédagogie là-dessus via nos réseaux sociaux, de comment prendre son vélo dans le train. Trop bien, merci Charlotte. 20 premières minutes passionnantes. On va marquer une petite respiration. C'est pas une pause, c'est une respiration à travers une lecture. Moi, je suis persuadé, et à chaque fois que je dis ça, normalement, quand j'interview les gens à distance, je regarde ma bibliothèque. Mais en fait, dans tous les livres qu'on a, on a des fenêtres vers des potentiels avenirs souhaitables, désirables, qui nous feraient nous lever le matin en nous disant « qu'est-ce qui m'attend de génial aujourd'hui ?» Et ça, malheureusement, on n'en a pas conscience. Parfois, on lit les livres un peu comme si c'était fait des bulles, des cocons, des choses dans lesquelles on peut se lever pour oublier le présent. Moi, je vois aussi ça comme des fenêtres vers des avenirs potentiels et qui nous donneraient des directions, qui nous donneraient des odeurs, qui nous mettraient en mouvement. Et donc, tu vas nous révéler un livre qui a ouvert des fenêtres un peu dans ce sens-là. Et puis après, on partira en 2030. Qu'est-ce que tu as sur la table devant toi ? Alors, j'ai apporté un essai de Lucie Azéma qui s'appelle « Nous avons besoin d'un ailleurs qui n'existe pas ». Le sous-titre, c'est « Réenchanter le voyage ». Lucie Azéma, elle est journaliste et essayiste féministe et elle a beaucoup creusé le sujet du voyage avec un point de vue féministe. Et dans ce livre qui m'a beaucoup parlé, elle parle des liens entre l'utopie et le voyage. Donc comment est-ce que les mondes intérieurs et les mondes physiques peuvent se relier et font partie intégrante en fait de nos expériences de voyage. Et j'ai choisi un passage... C'est extrait d'un chapitre qui s'appelle « Des mondes qui cohabitent en nous ». Le titre, c'est « Projeter les lointains ». Exactement comme les territoires du passé, ceux du futur possèdent leurs visions, leurs projections. Celles-ci structurent nos imaginations et plus largement nos existences. D'une part, il y a le besoin de se confronter à un ailleurs inconnu qui n'existe pas encore dans notre horizon. C'est le désir premier, celui qui préside à tout rêve de voyage et d'aventure. Le désir d'inclure à nos pensées, à nos souvenirs, non seulement un paysage, des odeurs, une géographie, mais aussi celles et ceux qui l'habitent, et ainsi projeter notre identité sur d'autres, la confronter à d'autres possibilités d'être et de vivre. Car l'expérience de l'altérité permet elle aussi de faire cohabiter plusieurs mondes en nous. D'autre part, et plus largement, notre condition humaine, par définition finie, se double d'une grandiose aspiration à l'infini. Notre temps étant ainsi limité, notre seul infini possible se trouve dans l'espace, et donc dans la densité du temps, la multiplicité des relations que nous pouvons nouer, leur profondeur, la diversité des lieux, physiques et imaginaires, que nous sommes amenés à découvrir, la perspective selon laquelle notre humanité ne se réduirait pas à un seul espace, à une seule dimension, à une seule identité, nous aide à vivre, à affronter l'absurdité de l'existence, et fait aussi notre vie. Ces deux aspects, le désir d'inclure et l'aspiration à l'infini, s'épanouissent selon plusieurs modalités. Prenons l'idéalisation d'un territoire. Ça a été le cas des orientalistes du 19e siècle ou des hippies quant au Népal et à l'Inde. Certains ailleurs deviennent alors, malgré eux, parfois contre eux, l'incarnation du lointain, de l'inatteignable. En réalité, ils le sont tous, et pour tous. Nous sommes toujours l'ailleurs d'un autre. L'idée qu'on se fait d'une destination se modifie en cours de route, au fil des découvertes qu'on y fait. Autrement dit, elle est tout entière liée à l'imprévisible. Pas si tu l'as senti parce que tu étais très concentré dans ta lecture, mais ça y est, on est en 2030 glorieuse, j'ai une petite vibration, hein, tu te l'as dit, et les 2030 glorieuses, c'est pas cuicu les petits oiseaux, c'est pas tout est réglé par rapport aux enjeux qui nous semblaient insurmontables il y a quelques années encore, mais c'est l'humanité qui enfin s'est redressée, a décidé de rentrer dans l'âge adulte et fait face, qui se sent responsable, pas coupable, et qui a décidé de se retrousser les manches et de faire preuve de créativité, de talent, de coopération, d'humilité aussi beaucoup, et ça nous fait du bien de nous rendre compte qu'on sait pas tout, on peut pas tout et qu'on a besoin d'aide, d'aide des autres mais aussi d'aide du vivant sur plein de questions auxquelles on n'a pas forcément les réponses, ou en tout cas les réponses les plus adaptées, et donc on va explorer ensemble ces 2030 glorieuses. On sera pas tenu de réalité obligée, et si dans quelques années des gens qui nous ont écoutés nous disent mais vos 2030 glorieuses sont pas tout à fait comme celles que vous nous, hein, et ben ils nous menaceront pas d'un procès quelconque. Donc c'est à la fois hyper enthousiasmant, je trouve, de faire cet exercice libérateur, et à la fois voilà, lâchons-nous les baskets, on a une utopie débridée, on se fait plaisir, on s'amuse avec ce qu'on va imaginer découvrir ensemble pendant les 20 prochaines minutes. On a quand même une responsabilité, c'est celle de bien décrire, de bien texturer, de bien colorer, de faire en sorte que les mots soient les plus précis possibles pour que nous, tout ce qu'on va voir, ça apparaisse aussi aux yeux des personnes qui, elles, vont nous écouter. Ça marche ? Petite règle, on parle au présent parce qu'on est en 2030 glorieuse, ça y est, nous on y est. Je sais que c'est pas évident pour les personnes qui nous écoutent, et donc si on parle du futur, on parle peut-être des, je sais pas, 2040, 2050, libre à toi de nous dire en quelle année tu es. On n'est pas obligé, comme ça, ça peut laisser plus de, d'imagination et de latitude aux personnes qui nous écoutent. Première question quand même, c'est si jamais là, toi, tu es dans un endroit qui t'est cher en 2030 glorieuse, que tu regardes dehors ou par la fenêtre, qu'est-ce que tu y vois dans tes 2030 glorieuses? Déjà, peut-être pour répondre à la question de la date, moi j'aime bien me projeter dans un futur un peu flou, donc pas forcément de date précise. Qu'est-ce que j'y vois? Moi j'y vois de la nature, j'y vois vraiment moi m'être reconnectée en tout cas à des territoires plus naturels. Aujourd'hui je vis en ville. Aujourd'hui. À l'époque? Avant. Jadis. En ville. Jadis, autant jadis. C'est vrai que ça fait un exercice pas facile. Et pourtant, j'ai déjà fait voyager des gens en 2030 glorieuses. Les coordonnées sont les plus mal chaussées. Donc ouais, plutôt entourée de nature, ou en tout cas une nature qui me semble très accessible. Je sors de chez moi, je peux aller marcher en forêt, je peux prendre mon vélo, qui est depuis longtemps maintenant mon moyen de transport principal, mais c'est-à-dire pas que pour voyager ou pour faire mes déplacements du quotidien. Mais c'est aussi un moyen de, enfin, logistique, en fait. Donc, je peux transporter des choses sur mon vélo, je peux transporter des gens, potentiellement. Comme beaucoup de gens, en fait, dans mon entourage et dans la petite ville où je vis en ce moment, le vélo s'est imposé. Il y a de moins en moins de voitures. C'est un peu des reliquats du passé, finalement. Et la tendance s'est vraiment inversée. On a vu les routes se remplir de silence, hein, déjà, parce que là, si j'écoute, j'entends pas de bruit de moteur, et c'est assez cool. Peut-être une tondeuse de temps en temps, mais voilà. Et les rues ont retrouvé leur calme, ont retrouvé leur aspect piéton. Et je trouve que le collectif va mieux depuis qu'il y a ça, parce que on avait atteint, je me souviens, un peu un degré de violence quand même assez important entre les différents usagers de l'espace public, finalement. Et finalement, le vélo a été une manière de répondre à ça. Il s'appelle comment, ton vélo? Mon vélo, il s'appelle Charlie. C'est une extension de moi-même. Okay, pas du marche. Tout mégalo. Très bien. Qu'est-ce que tu penses de cette mode des gens qui se tatouent le nom de leur vélo là, en ce moment? Ça se fait beaucoup en 2030. Ouais, c'est vrai. Ouais. C'est vrai. Ouais, ça a été une revendication. Au début, c'était un petit groupe de gens qui avaient des cheveux longs et qui portaient des sandales. et puis, je sais pas, il y a eu un effet de mode. Il y a des Instagrammeurs qui s'en sont saisis. Et là, ouais, si t'as pas ton tatouage du nom de ton vélo, déjà, si t'as pas nommé ton vélo, c'est chaud, quoi. Ouais, il y a des gens qui poussent pour qu'on puisse ajouter le nom de notre vélo sur notre carte d'identité. Moi, je trouve ça presque un peu too much, mais l'idée de se rendre compte qu'on est codépendant et qu'on a, on peut rien faire. Il me semble qu'on appelait ça la petite reine à l'époque. Hein, et aujourd'hui, le vélo, c'est devenu vraiment un allié inestimable. Hein. On peut plus s'en passer. Et on a tous un vélo dans nos vies, je crois. Hein. Ouais, tout à fait, voire plusieurs. Hein, parce que bon, on veut toujours faire... faire plein de choses avec un vélo, et parfois un vélo ne suffit pas à tout faire, mais oui, complètement, c'est devenu un mode de vie. Sans compter les vélos partagés, qu'on prend quand le soir on veut pas trop laisser traîner son vélo dans un endroit qu'on connaît pas, ou parce qu'on a besoin d'un vélo cargo ponctuellement. On a aujourd'hui plein de vélos accessibles qu'on se prête, qu'on loue, qu'on emprunte. Ouais, qu'on emprunte, ça, il y a eu un vrai changement là-dessus aussi, c'est que finalement, la notion de propriété d'un vélo qui était à l'époque un objet quand même assez cher a un petit peu glissé, et on a des pools de vélos partagés. Je sais que dans mon immeuble, par exemple, on a un garage à vélo où on emprunte les vélos avec un système où on note en fait finalement qui l'a emprunté pour la journée, un petit planning, et ça se fait de façon assez simple et bienveillante. On n'a plus peur de se le faire voler à tout bout de champ. Et ouais, c'est pas mal quand ça marche comme ça. Il y a un autre truc qui m'a vachement frappée, moi, c'est quand même les autoroutes. Alors, tu vois, à l'époque, les autoroutes, l'autoroute A7, je m'en souviens, hein, des souvenirs de vacances, d'autoroutes bouchées avec des camions partout. Alors déjà, la logistique est passée sur le train, donc finalement, ça a déjà pas mal libéré. Et puis quand la voiture individuelle a commencé à décliner au profit du vélo, il y a eu un grand plan national pour transformer les autoroutes en pistes cyclables. Et donc les autoroutes ont peu à peu repris, la nature a repris ses droits sur les autoroutes. Et ça fait maintenant des images hyper sympas de ces dizaines, centaines de vélos qui partent en transhumance et qui utilisent ces pistes asphaltées. Parce que bon, on va pas se mentir, c'est quand même sympa parfois d'avoir un super asphalte pour rouler à vélo. Et d'ailleurs, on a les horaires de train, mais on a aussi les horaires de peloton. Et donc, toutes les heures, toutes les deux heures sur certaines autoroutes, on sait qu'il y a un groupe qui va passer. Et si on a envie de prendre l'aspiration, si on a envie de rouler ensemble, on peut comme ça se mettre à des groupes de 50, 100, 200. Et c'est assez kiffant. Moi, je sais que d'être au cœur du peloton, de presque devoir plus pédaler parce que t'es aspiré, tu vois, tu t'as plus le vent contre toi, il y a un truc, presque une sorte de transe, quoi. J'aime bien faire ça de temps en temps. Ah, carrément, j'en ai des frissons. Ouais, c'est vrai. Hein. Les horaires des pelotons, ça me parle bien. Qu'est-ce que tu penses de ces collectifs qui, eux, essayent justement de dénoncer un peu ce lien presque de filiation trop profond qu'on a vis-à-vis des vélos et qui, eux, font des aventures maintenant en se répartissant les vélos au hasard, en disant bah, c'est pas tant le quoi qui compte, mais c'est le comment. Et donc, il y a un pool de vélos, tous les plus éclatés les uns que les autres, et on dit bah, allez, en fait, le vélo, c'est la possibilité de rouler, peu importe s'il est beau, peu importe s'il est bien adapté, c'est juste l'aventure qui nous amène, qui nous appelle. Eh ben, c'est hyper intéressant, je trouve, parce que finalement, on se détache un peu du matériel qui a pu être un truc très présent, le vélo le plus cher, le plus beau, avec les meilleures composantes, etc. Et puis ça permet de... Voilà, là, ça permet de mettre un peu tout le monde au vélo. T'as pas besoin d'un super vélo pour faire du vélo, finalement, t'as juste besoin de pédaler. Et c'est un truc de confiance en soi aussi, de se réapproprier le mouvement. Et ça, ça a permis à plein de gens de se dire « Ah ben en fait, moi aussi, je peux. » Ah oui, c'est ça. Pas besoin d'avoir 5000 voilà. balles pour se payer un vélo. Exactement. Moi, ce que j'adore là, bon, ça fait que depuis 2 ans qu'ils ont lancé ça, mais c'est le nouveau Tour de France, avec les équipes qui sont plus des équipes du monde entier, mais des équipes par ville, et les gens doivent rouler, enfin les coureurs doivent rouler sur le vélo en libre service de leur ville. Et donc on a les Vélov' contre le vélo, contre les Vélib', et des équipes comme ça qui doivent rouler sur des vélos à 3 vitesses, qui pèsent 15-17 kilos, c'est une entraide complètement différente. Moi j'adore ça, t'as suivi un peu? Ouais, carrément, et puis la caravane du Tour de France quoi. En fait là il y a des centaines de cyclistes sur les routes qui suivent, c'est ça. Qui suivent les pros. Parce que c'est facile maintenant, vu que les mecs ils sont c'est sur ça. Leur vélo de 20 kilos, on peut les suivre tout beaucoup le monde plus peut le facilement. Faire. Ah, j'adore cette idée. Ça m'est venu en te parlant et je me suis dit, mais j'adorerais Julien Alaphilippe sur un vélo. Hein, Ouais, et puis pas que des mecs, quoi. On n'est plus sur que des mollets rasés. Là, on est d'accord. On est très inclusif. Pauline, mais bien sûr. Pauline Ferrand-Prévot, qui, pour les personnes qui sont restées en 2025, vient de gagner le Tour de France féminin. Raconte-moi quand même comment, si on redevient sérieux, qu'est-ce qui a fait que cette petite reine, elle est vraiment devenue la petite reine, elle a repris son statut. Est-ce qu'il y a eu un moment de bascule? Est-ce qu'il y a un truc qui a fait que tout d'un coup, on s'est retrouvé un peu presque obligé, contraint, à donner plus de place au vélo? Bah, je pense qu'il y a, un double mouvement de sortie de la voiture thermique dont on parlait beaucoup dans les années 2020 avec des objectifs à 2030. Ça a pris beaucoup plus de temps que prévu, mais les politiques ont fini par prendre un petit peu leur responsabilité là-dessus et en fait à contrer le lobby du tout voiture qui était quand même extrêmement puissant en Europe, qui venait d'un passé industriel quand même très fort. En parallèle, les gens ont aussi poussé, la société civile finalement a aussi poussé pour plus de vélos dans le quotidien, plus de vélos voyage. C'était presque un peu bizarre de voyager à vélo à l'époque, tu te souviens, c'était vraiment le dernier des hippies quoi. Aujourd'hui, voyager à vélo, ça fait partie intégrante de la façon de voyager des gens, voyager plus local, etc. Donc il y a eu un petit peu ce double mouvement avec un plan national vélo et marche, parce que les deux aspects vont aussi ensemble, qui a été très ambitieux, qui a été porté et qui a porté ses fruits en fait, et qui a eu des répercussions en termes de santé publique qui ont été énormes. L'État a fait des économies, mais c'est démentiel. Mais d'ailleurs, ça, c'est depuis que l'État maintenant arrête de parler de dépenses, mais parfois parle d'investissement, et se rend compte que si on investit sur le vélo, ben, en fait, on économise chaque année des centaines de millions d'euros, parce que les gens vont mieux, les gens font du sport, l'air est de meilleure qualité, et donc en fait, moins d'hôpitaux, moins de médicaments, c'est une vraie économie à assez moyen terme, en fait. Donc ça a beaucoup changé. Et puis, de voir aussi que certaines filières, et notamment tu parlais de la filière automobile, il me semble, ont aussi vu à quel point elles allaient droit dans le mur et que des grands constructeurs comme Peugeot ont décidé de revenir à leurs racines, les Français et les Françaises ne le savaient pas. Mais en fait, Peugeot, avant de faire des voitures, ils faisaient des vélos. Et donc ils se sont dit, mais on a su faire, on saura faire à nouveau. Et aujourd'hui, non seulement ils font du vélo neuf, adapté à tous nos besoins, comme on l'a dit, parce qu'il y a plein de vélos pour plein de besoins, mais ils reconditionnent, ils recyclent, ils proposent comme ça des pièces de vélo Peugeot partout en France. Et ça, c'est génial. Ouais, et puis il y a eu aussi un mouvement d'artisans du cycle qui sont en fait redynamisés, qui existaient hein. À l'époque. On construisait les cadres et les vélocistes vendaient les cadres du cadreur d'à côté. Et ça a aussi beaucoup, enfin, c'est aussi beaucoup revenu. Donc il y a eu ça. Mais d'ailleurs, moi, tu sais que mon vélo d'aventure, c'est un vélo Ginet des années 80. Et en fait, il a été fait dans le 38 à Estrablin, en Isère, et juste à côté de chez moi. Je l'ai trouvé à 12 euros dans une brocante. Et c'est un super acier, en fait. C'est un acier Reynolds pour les personnes qui connaissent, qui est donc du coup parfait pour le vélo d'aventure. Hyper léger, il pèse moins de 10 kilos, mais très confort, si on peut dire qu'un vélo est confort quand on fait du vélo d'aventure. Et réparable. Et il est plus vieux que moi et pourtant il est magnifique. Génial. On parlait de santé, mais tu vois, les enjeux de santé mentale. En fait, à l'époque, les gens n'étaient pas heureux, quoi, mais parce qu'ils étaient enfermés dans des villes, ils ne savaient pas comment en sortir. Ce qui a été un élément déclencheur assez fort aussi, c'est de finalement de retourner en nature, parce que l'écologie, c'est ça, en fait. C'est le lien avec la nature. Et quand tu la vis dans ta chair, finalement, tu peux pas ne pas être écologiste. Enfin, tu peux pas être anti-écologie. Ça n'existe pas. Donc les gens se sont rendus compte en fait à quel point ils étaient en train de détruire ce qui les faisait respirer, ce qui faisait qu'ils étaient vivants et qui faisait partie de cet écosystème-là. Et le vélo a joué un rôle assez important. Le vélo, c'est un moyen comme un autre, mais finalement le vélo, la marche, la rando, le retour en nature a été un point de bascule assez fort. Donc lutter contre les lobbies du tout voiture, tu disais, lutter contre aussi un peu les lobbies du tout avion, comme si quand on partait en voyage, la liberté ultime, c'était de prendre l'avion. Aujourd'hui, bah forcément, prendre un avion, c'est encore possible, mais c'est devenu à nouveau un luxe parce que ça coûte cher, parce que ça coûte cher pour le porte-monnaie, ça coûte cher pour l'environnement. Et donc, on se rend compte à quel point partir à vélo, c'est l'aventure à 1 km de chez soi. Et finalement, c'est bon pour le porte-monnaie, c'est bon pour les mollets, c'est bon pour tout. Et on a repris aussi ce goût de découvrir les choses qui sont juste à côté de chez nous et de se raconter les voyages comme finalement on se les raconte à chaque fois, en commençant par toutes les embûches, par tous les trucs qu'on n'avait pas prévus. Et c'est ça qui est aussi génial, c'est qu'à vélo, il n'y a que ça. Et laisser un peu plus de place à l'imprévisible aussi. Dans le voyage à vélo, moi, il m'arrive toujours plein de trucs et après, effectivement, ça fait des histoires à raconter, mais ça entraîne aussi notre muscle de capacité à s'adapter. Et je pense que ça a été aussi un bon levier de, si on est tous un peu plus adaptables, eh ben, on a aussi tous un peu plus envie de faire des efforts et de discuter avec l'autre, d'aller rencontrer l'autre, parce que c'est aussi un super moyen de rencontrer des gens, le voyage à vélo. Il n'y a pas eu que de bons côtés quand même. Je me rappelle qu'au début, justement, où il y a eu cet engouement des personnes qui désiraient partir à vélo, bah forcément, elles avaient repéré les 3-4 routes dont tout le monde parlait. Et donc, on s'est retrouvé un peu avec les bouchons, quoi, presque à vélo, les zones de camping, de bivouac qui étaient en fait blindées. Et donc, il y a eu cette période un peu où on s'est dit, en fait, il n'y a pas que ces trois zones qui sont désirables, qui ont été Instagrammables et qui méritent votre attention. Tout est à explorer à vélo. Raconte-nous un peu cette période d'adaptation et comment on a réussi à encadrer ça. Comment on fait qu'aujourd'hui, bah, l'aventure, elle se fasse autant dans le Morvan que, effectivement, le long de la Via Rhôna, que dans des routes, parce que le chemin des douaniers, parce que tous ces trucs sont un peu mythiques et méritent aussi notre attention, mais pas que. Bah déjà, il y a eu un gros effort sur les voies cyclables, ce qui fait un maillage territorial qui est assez important. Et très vite, on a pu reprendre en fait les routes et le réseau des routes secondaires. Il y a un truc aussi, c'est qu'on a réhabilité les chemins, parce qu'en France, il y a plus de chemins que de routes. Et les chemins, à l'époque, c'était des chemins agricoles, hein, surtout, qui servaient qu'à ça ou à la marge pour de la randonnée. Et ça a été aussi vraiment repensé comme un maillage qui faisait du sens et qui permettait de se déplacer d'un point A à un point B à vélo. Ouais, parfois, les GPS ne les voyaient même pas. Donc aujourd'hui, tu peux prendre un chemin qui est relativement roulant. Si tu as des pneus adaptés, pas de problème, quoi. Donc déjà, il y a ça. Il y a aussi sur la façon dont on pense le tourisme, en fait. À l'époque, je ne sais pas si tu te souviens, mais quand tu pouvais aller à l'hôtel, tu pouvais aller au camping, mais ce n'était pas toujours des campings hyper nature. Tu te retrouvais dans des campings avec les toboggans à 5 étages. Moi, ce n'était pas trop ma vision du voyage dans la nature. Et en fait, ils ont aussi de plus en plus proposé des zones de bivouac encadrées. Où tu as juste un point d'eau et finalement tu poses ta tente, tu payes un tout petit peu pour l'eau que tu consommes, tu prends une petite douche, tu fais une toilette de chat et voilà. Et donc il y a vraiment cette façon de voir l'offre touristique et peut-être un peu le confort que tu t'attends à trouver qui a changé aussi. Le fait de pouvoir passer qu'une nuit dans des établissements, d'avoir peut-être des choses un peu moins chiadées mais qui correspondent plus à ce que les gens attendaient aussi. Puis cette émission qui a cartonné, tu te souviens, J'irai me doucher chez vous, de ces aventuriers qui partaient comme ça et racontaient tous les moments où, grâce au réseau, ça s'appelait Warm Shower à l'époque, hein, pouvaient aller profiter d'une douche, peut-être un espace un peu propre, planter la tente et faire des rencontres extraordinaires. Moi, je me rappelle qu'à l'époque, on était en 2025, hein, on avait pu comme ça aller dormir chez des éleveurs bovins. Alors qu'on était deux végétariens le long de la Saône et on a passé une soirée extraordinaire. On a comme ça découvert l'exploitation, on est parti avec du miel. Enfin, franchement, le truc qu'on n'aurait jamais fait si jamais on nous avait dit « Tiens, là, il y a une ferme, il y a des éleveurs bovins, vous pouvez aller les voir. » On aurait pensé qu'a priori, on n'avait pas beaucoup de liens. Et pourtant, cette connexion-là à travers ces réseaux, ça permet de dépasser un peu les clichés dans lesquels parfois on s'enferme. Tout à fait. D'ailleurs, les agriculteurs en ont fait un peu un business, c'est un peu un gros mot, mais ils se sont rendus compte qu'ils avaient finalement plein de terrains à dispo dont ils ne se servaient pas forcément tout le temps et qu'ils pouvaient héberger des voyageurs légers, donc randonneurs, vélos, qui ne prennent pas trop de place, et vendre aussi leur production de façon plus locale, ce qui crée un lien génial en fait, parce que à l'époque, un agriculteur, tu le voyais à la télé pour les manifs. Et sinon, si tu n'habitais pas à la campagne, tu étais très peu en contact avec ces personnes-là, ces métiers-là, qui sont quand même des métiers, des besoins primaires, en fait. Donc là, ça a permis de créer aussi tout un réseau d'endroits où tu peux t'arrêter. Et même si tu n'as rien prévu, tu t'arrêtes, tu vas toujours trouver un petit bout de champ. T'as pas peur de te prendre un coup de fusil. Exactement. Mais de toute façon, le grand... événement là, ça a été un tour de France des humoristes qui ont lancé l'humour est dans le pré, peut-être que tu te souviens, et en fait ils ont fait le lien avec les agriculteurs parce que justement ils voulaient montrer à quel point c'était des gens cool, ouverts, positifs, et ils ont organisé comme ça, parfois ils se déplaçaient à vélo d'ailleurs, mais un grand tour de France où ils allaient jouer leur spectacle dans des champs, ils faisaient rencontrer les gens qui géraient les exploitations, il y avait des marchés locaux ensuite et tout. Moi ça, je trouve que ça a repermis aussi de... Ça a permis de redorer le blason des agriculteurs qui, c'est vrai, étaient parfois mal vus, et de les connecter à ces supposés urbains un peu jeunes qui savaient pas comment normalement pousser les tomates ou se faisaient le jambon. Et je trouve que ça a été un truc un peu fédérateur. Ça m'a marqué ce moment. Ouais, carrément. L'humour est dans le pré. C'est une super émission. Bivouac, ça existe encore en 2030 glorieuse. Maintenant que tout le monde bivouac, maintenant que le backpacking est devenu une pratique classique, vous en êtes où ? Eh ben, nous, on a plus développé le volet communauté. On organise toujours quelques événements, mais plus pour rassembler notre communauté, parce que c'est finalement des liens forts qui se sont créés, des gens qui ont envie de se retrouver. Il y a des petites communautés qui ont essaimé un petit peu partout en France et en Europe, proche France, avec des gens qui se retrouvent, des bivouacos, on les appelle, qui se retrouvent, qui organisent des petites soirées thématiques autour du bikepacking, qui partagent leur expérience de voyage, qui partagent leur itinéraire. Et donc nous, on orchestre ça et on essaye de continuer à aller trouver des itinéraires sympas un peu partout. Parce que tout le monde ne sait pas forcément tracer un itinéraire, même en 2030 glorieuse. Oui, c'est ça. Bivouac, maintenant, vous êtes hyper réputé pour vos traces. Et donc, vous avez un groupe, un collectif aussi, un peu de traceurs. Oui, tout à fait. Des gens qui peuvent aussi héberger des événements, des rassemblements de la communauté bivouac et qui ont envie de faire découvrir leur, leur région, qui sont des passionnés et qui du coup partagent leurs itinéraires, qui accueillent sur leur lieu. On a beaucoup de gens en fait qui ont monté des tiers-lieux ou, et qui ont envie, qui ont cette envie, cette appétence pour l'accueil du public, montrer aussi le tissu local, qu'est-ce qui se passe sur le territoire, qu'est-ce qui fait le territoire, donc à la fois les artisans, les agriculteurs. Je me rappelle qu'au début de Bivouac, vous pensiez beaucoup avec votre estomac. C'était la nourriture qui était souvent mise en avant. Chaque année, maintenant, vous avez des nouveaux partenariats. Je me rappelle avoir vu des bivouacs ornithologie avec la LPO. Et donc là, on pouvait se rapprocher un peu de la découverte des oiseaux. Il y en a eu plein d'autres comme ça. Chaque année, vous essayez de thématiser aussi vos itinéraires. Ouais, tout à fait. Sur la trace des loups du Vercors, par exemple, ça a cartonné. Et puis, évidemment, le Tour de France des flancs, parce que ça, c'était un truc qu'on... Voilà, c'était sponsorisé par François Hollande. J'ai adoré l'idée. Ouais. Exactement. Et ensuite, on a fait une élection des meilleurs flancs. C'est passé sur TF1. Enfin, c'était incroyable. C'est d'ailleurs ce moment-là où ça a décollé, je crois. François Hollande, qui d'ailleurs, depuis, s'est renommé François Hollande. Et je trouve ça absolument génial. Toi, Charlotte, tu fais quoi en 2030 Glorieuse? Moi, j'ai plein de casquettes différentes, mais surtout, je prends le temps. J'ai retrouvé un rapport au temps qui me satisfait, c'est-à-dire que j'ai le temps de rien faire, parfois. J'ai le temps de lire, de dessiner, de danser et puis parfois d'emmener des gens à vélo ou de continuer mon activité avec Bivouac. Mais c'est, enfin, je me définis pas via une activité professionnelle, mais plutôt via les choses qui me font vibrer et qui me donnent envie de me lever le matin, qui sont pas toujours rémunératrices. Mais de toute façon, l'argent est aussi une notion un petit peu plus fluctuante aujourd'hui. Donc voilà. C'est quoi la prochaine itinéraire que tu vas faire en 2030 Glorieuse? Et puis après, petit à petit, on va revenir en 2025 et tu vas me dire la prochaine aventure, le prochain bivouac que vous allez faire. Le prochain itinéraire qu'on va faire, on a très envie de continuer à explorer l'Europe en partant de France, donc faire des grandes aventures de, pour le coup, plusieurs semaines. Donc emmener des gens, alors là, pour le coup, c'est l'aventure... t'es avec un groupe pendant 15 jours et tu pars découvrir plusieurs pays potentiellement, donc plusieurs cultures, traverser des massifs. Donc typiquement Italie, Slovénie, ça c'est des itinéraires qui nous plaisent bien. On mange bien déjà, les territoires sont pas dégueux. On peut se baigner dans des lacs aux eaux turquoises, donc ouais, ça grimpe. Donc, voilà, ça grimpe. On aime bien grimper pour aller voir la vue en haut. On est d'accord, chouette. Et là, quand on revient en 2025, c'est quoi ta prochaine aventure à vélo? Alors, la prochaine aventure bivouac part de Lyon le 28 septembre et va jusqu'à Turin. Donc là, on traverse les Alpes, on passe par Annecy. Donc ce qui est cool, c'est qu'on va... parce que c'est finalement des territoires qui sont assez proches. Hein. Et donc on va explorer tous les territoires de moyenne montagne. C'est super parce que c'est assez peu connu et il y a plein de chemins à explorer qui sont très sympas pour le backpacking. Donc on passe par le Bugey, ensuite on arrive à Annecy, on traverse les Bauges et puis là on s'attaque aux Hautes-Alpes en passant par Briançon et par quelques cols mythiques dont le Galibier pour finir en Italie et aller manger des pâtes à Turin. Donc les personnes qui vont nous écouter, parce que le podcast sera diffusé avant cet événement, elles peuvent s'inscrire. J'imagine que vous avez encore de la place. Mais si jamais tu devais quand même leur donner un conseil pour continuer à aller vers ces 2030 glorieuses, on a parlé de cette aventure de proximité, cette aventure lente. Est-ce que tu as des prochains pas à leur recommander? Ça peut être une action, ça peut être une lecture, je sais pas. Toi, tu les mettrais en mouvement comment? Je pense que le premier truc, c'est vraiment de discuter avec des gens. Alors ça peut être des communautés locales, vélo, il y en a partout en France. Nous, avec Bivouac, on essaie aussi... de donner des tips pour partir en voyage à vélo, donner tu des itinéraires. Tu vas sur un moteur de recherche, communauté vélo, tu communauté mets le nom de ta ville. Communauté vélo locale, on a une connaissance qui fait beaucoup de vélo, qui a créé une map qui s'appelle la Social Ride Map. Elle s'appelle Mathilda, si elle nous écoute. Et elle a fait un super travail de recenser toutes les trop communautés bien. Locales vélo. Trop bien. C'est possible de retrouver plein d'infos là-dessus. Et sinon, ouais, vraiment, pas hésiter à poser des questions aux gens, que ce soit via Instagram, via les réseaux, pour se renseigner et partager des récits, en fait.